Elle s'arrêta encore. Elle attendait un mot. Le jeune homme crut que cette dame venait lui offrir une place. Il répondit qu'il accepterait tout. Mais elle, maintenant que la glace était rompue, lui demanda carrément « Éprouveriez-vous quelque répugnance à vous marier ?»« Me marier ?» s'écria Nantas. « Eh bon Dieu, qui voudrait de moi, madame ? Quelque pauvre fille que je ne pourrais seulement pas nourrir ?»« Non, une jeune fille très belle, très riche, magnifiquement apparentée, qui vous mettra d'un coup dans la main les moyens d'arriver à la situation la plus haute. » Nantas ne riait plus. « Alors, quel est le marché ?» demanda-t-il en baissant instinctivement la voix. « Cette jeune fille est enceinte, il faut reconnaître l'enfant, » dit nettement Mlle Chuin, qui oubliait ses tournures onctueuses pour aller plus vite en affaires. Le premier mouvement de Nantas fut de jeter l'entremetteuse à la porte. « C'est une infamie que vous me proposez là, » murmura-t-il. « Oh, une infamie !» s'écria Mlle Chuin, retrouvant sa voix mielleuse. « Je n'accepte pas ce vilain mot !»« La vérité, monsieur, est que vous sauverez une famille de désespoir. Le père ignore tout. La grossesse n'est encore que peu avancée. Et c'est moi qui ai conçu l'idée de marier le plus tôt possible la pauvre fille, en présentant le mari comme l'auteur de l'enfant. Je connais le père. Il en mourrait. Ma combinaison abortira le coup. Il croira à une réparation. Le malheur est que le véritable séducteur est marié. Ah, monsieur, il y a des hommes qui manquent vraiment de sens moral. Elle aurait pu aller longtemps ainsi. Nantas ne l'écoutait plus. Pourquoi donc refuserait-il ? Ne demandait-il pas à se vendre tout à l'heure ? Eh bien, on venait l'acheter. Donnant. Il donnait son nom, on lui donnait une situation. C'était un contrat comme un autre. Il regarda son pantalon, crotté par la boue de Paris. Il sentit qu'il n'avait pas mangé depuis la veille. Toute la colère de ces 2 mois de recherche et d'humiliation lui revint au cœur. Enfin, il allait donc mettre le pied sur ce monde qui le repoussait et le jetait au suicide. « J'accepte, » dit-il crûment.